Ce livre est unique en son genre, le genre de la vulgarisation scientifique. C'est simple, je n'ai jamais lu un autre livre de vulgarisation de l'astrophysique comme celui-là. Son auteur, le physicien-théoricien Kip Thorne, est un spécialiste de la relativité générale et de tout ce qui touche de près à la gravitation, que ce soit les ondes gravitationnelles ou les trous noirs, au California Institute of Technology. Et c'est sous couvert de nous expliquer comment fonctionnent les trous noirs et autres distorsions du temps, ou plus exactement de l'espace-temps, que Kip Thorne réussit à nous captiver littéralement en nous racontant la petite et la grande histoire d'un siècle de physique, avec ses avancées, ses reculs, ses hésitations, ses tentatives, ses espoirs et désespoirs, et ses paris délirants entre physiciens. Kip Thorne a participé activement à cette aventure et peut donc à loisir entrer dans tous les détails parfois croustillants qui font la science telle qu'elle est, imaginée par des hommes le plus souvent exceptionnels. Le livre commence par un prologue étonnant, récit de science-fiction où le lecteur sera emporté tout de suite au contact du sujet principal, le trou noir. Mais ce n'est que pour mieux le saisir, car très vite, nous partons à la découverte du génial Einstein, dont on comprend pour la première fois par quel chemin tortueux il est parvenu à établir la théorie de la relativité restreinte plus générale. Tout est une histoire de marais. Mais Einstein n'est que la pierre de fondation de l'édifice, car vont se suivre ses nombreux successeurs, depuis les précoces Karl Schwarzschild et Subrayaman Chandrasekhar, jusqu'aux Anglais Stephen Hawking et Roger Penrose, en passant bien sûr par l'école américaine, de Fritz Zwicky à Robert Oppenheimer, puis John Wheeler, mentor de Kip Thorne, à qui est dédié le livre, ainsi que leurs nombreux étudiants et étudiantes, dont les noms ne sont jamais omis par Thorne. Les physiciens soviétiques ne sont pas oubliés non plus, eux qui ont joué un rôle fondamental dans la compréhension de la physique des trous noirs, notamment les figures tutélaires Yakov Zeldovich et Lev Landau et Igor Novikov, que Thorne a pu côtoyer en pleine guerre froide. Kip Thorne raconte ses rencontres, mais relate surtout comment tous ces grands physiciens ont produit les idées qui se sont finalement trouvées les bonnes. Ou non. Ce voyage foisonnant nous emporte en même temps au cœur de la physique des objets les plus énigmatiques qui soient. Les trous noirs, singularités, ondes gravitationnelles et autres trous de ver. Thorne nous explique les effets de la relativité générale avec une aisance hors du commun, utilisant une méthode pédagogique fondée sur la répétition des concepts, ce qui a pour effet de produire une véritable compréhension du lecteur. Avant de consacrer quelques chapitres à ses propres sujets de recherche, la détection des ondes gravitationnelles et des effets étranges de distorsion de l'espace-temps, Kip Thorne nous livre une histoire de l'avancée de la physique des trous noirs encore jamais entrevue auparavant, celle de physiciens qui ont mis leur savoir théorique à la disposition de leur gouvernement pour construire les armes les plus destructrices qui soient, bombes nucléaires ou thermonucléaires. Kip Thorne nous fait comprendre à la lecture de Trous noirs et distorsion du temps à quel point la course aux armements nucléaires dans les deux blocs après la Seconde Guerre mondiale a permis de faire un bond considérable dans la compréhension de la physique des étoiles et des phénomènes d'effondrement gravitationnel sous forme de trous noirs. Un passage vertigineux et qui laisse songeur. Mais Trous noirs et distorsion du temps est surtout un ouvrage qui permet de comprendre ce qu'est un trou noir, comment il se forme, quelles sont ses propriétés, et comment elles ont été trouvées, et quels sont les différents stades d'évolution d'une étoile pouvant mener à cet ultime état. La progression se veut chronologique, depuis les ébauches des années 30 sur les naines blanches et les étoiles à neutrons, jusqu'à la découverte des premiers quasars dans les années 60, qui permirent enfin de mettre le doigt sur la présence de trous noirs très massifs. Le livre se clôt comme il a commencé, en se laissant dériver lentement vers un récit proche de la science-fiction, où la question du voyage dans le temps est clairement posée, grâce à la domestication de trous de ver, relais spatio-temporels hypothétiques, mais théoriquement possibles et démontrés par Kip Thorne. Trous noirs et distorsion du temps est paru il y a 20 ans déjà, mais il garde aujourd'hui toute sa fraîcheur et son actualité. C'est sans aucun doute l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, livre de vulgarisation en astrophysique. Trou noir et distorsion du temps, par Kip Thorne, est paru en poche chez Champ Flammarion Science, avec une préface de Stephen Hawking. Il coûte 12 euros.